Simple histoire d'un poignard corse de Marie de l'Épinay. Chapitre 1er. Vous m'avez demandé, monsieur, l'histoire de mon poignard, cet étrange poignard, dont le manche fantastique orné offre un remarquable mélange de luxe et de rusticité, et dont le fer si puissant à la base, si aigu au sommet, assure une mort prompte à celui qu'il va frapper. Depuis longtemps, ce poignard serait devenu le vôtre, car avouez qu'il vous fait grande envie, s'il n'existait dans mon pays un proverbe qui dit « Quando coltello sida, amicizia se ne va ». Vous n'aurez donc le poignard que par testament, car j'augure qu'il n'est ni pointe ni lame qui ait le pouvoir de trancher le souvenir d'une amitié sincère et dévouée. Or, en attendant le legs, voici l'histoire. Si vous connaissiez nos trois rochers, si vous étiez initié aux mœurs de nos Corses pur sang, de ceux que l'éducation du continent n'a pas corrompus, comme disent les anciens du pays, si je pouvais vous faire voir ces hommes à la figure bronzée, aux traits fins et réguliers, à l'air sauvage, avec leurs yeux de jais, phosphorescents, leurs membres ramassés, vigoureux et souples, leurs pieds agiles, s'attachant aux rocs comme des crampons d'acier, et leurs mains délicates, dont les doigts de fer jouent sans cesse avec une arme cachée, si vous pouviez entrer avec moi sous le toit de ces familles austères, si fière dans la médiocrité, si orgueilleuse dans la pauvreté, si soigneuse du point d'honneur de leurs femmes et de leurs filles, si vous pouviez connaître le secret de ces cœurs où le sentiment de la vengeance domine en maître absolu, dont l'amour est plus cruel que doux, dont la passion ne se traduit jamais par une caresse, et dont la jalousie implacable éclate comme la foudre sans l'éclair précurseur, alors vous vous impressionneriez bien davantage au petit drame que je vais, tant bien que mal, essayer de dérouler sous vos yeux. Il y a 50 ans de cela, la Corse était alors loin du degré de civilisation où elle est arrivée depuis. À peine libérée du joug des Génois, ses habitants sentaient encore bouillonner en eux la rage soulevée par cet odieux servage. Tout, dans leur attitude, dans leurs gestes, dans leurs paroles, trahissaient la défiance ou une souffrance longtemps contenue, et leur esprit comme leur âme avait conservé cette sombre disposition à l'âcreté que donne l'oppression. La justice, toujours très difficile à exercer en Corse, était presque nulle au moment où remonte mon histoire. Gênes avait tyrannisé, mais non gouverné ce peuple intelligent et brave, le plus susceptible qui soit au monde d'être formé au bien et aux belles actions. Or, ce qu'on nomme vendetta, coutume barbare dont vous avez sans doute entendu parler, s'exerçait dans l'île pour le sujet le plus futile, et les coupables, retirés dans les montagnes où ils savaient qu'aucune loi n'irait les atteindre, poussés plus tard par la misère et par la faim, inondaient l'île de brigandage et d'effroi. Au nombre de ces bandits, contumaces, était un certain Pietro Santo, natif de Sartène, dans le Liamon, qui, depuis 15 ans, pillait, rançonnait sans pitié ses concitoyens, contre lesquels il perpétuait une vengeance à lui léguée par son grand-père. Parmi les familles persécutées par cet homme terrible, il en était une surtout, celle de Giuseppe Robalini, que rien ne semblait devoir soustraire à sa haine. Le fils aîné de Robalini avait tué un frère de Santo en défendant sa vie contre ce parent du bandit. Depuis lors, le malheureux jeune homme avait été trouvé percé de 3 balles et d'un coup de poignard dans un bois d'olivier. Ses 4 frères, à des époques rapprochées, périssaient de la même manière. Sur 6 enfants, il ne restait au vieux Giuseppe Robalini qu'une fille de 20 ans, nommée Angeluccia, dont la naissance avait coûté la vie à sa mère. Sa beauté, sa sagesse étaient en grand renom dans le pays, et chacun disait que bienheureux serait le mari à qui on donnerait pareille femme. Mais quoique beaucoup de prétendants se fussent déjà mis sur les rangs, le père Robalini les éconduisait tous, et Angeluccia n'en paraissait pas plus triste. Si les voisines lui parlaient mariage, elle montrait ses habits de deuil et répondait qu'elle avait bien assez à faire de pleurer ses frères et de soigner son père. On était au 25 de mars, fête de l'Annonciation. La messe était dite à toutes les paroisses. Dans la grande salle du rez-de-chaussée de la maison de Robalini, Angeluccia, aidée par sa servante, s'occupait à préparer le dîner de son père. Il était en usage autrefois en Corse, et cet usage subsiste encore dans certaines contrées, que les femmes, par respect, ne mangeassent pas avec les hommes de la famille. Robalini devait donc seul se mettre à table, et cependant, en comptait 6 couverts sur celle où Giuseppe allait s'asseoir. Attendait-il de joyeux convives? À le voir enfoncé dans son fauteuil de jonc, avec son regard sombre, ses bras croisés, son bonnet pointu enfoncé sur ses yeux, il était difficile de présumer que le vieux Corse se disposât à donner un régal. Dans ce moment, un jeune homme entra dans la salle. Le bruit de ses pas laissa le vieillard insensible. Plus attentif, sans doute, Angeluccia tourna la tête vers le nouveau venu, rougit, sourit, puis, comme doit le faire toute fille corse, reprit ses travaux sans adresser la parole au visiteur. Celui-ci était un beau garçon de 24 ans, bien taillé, bien découplé, portant haut sa tête, et remarquable par ce profil des médailles antiques communs à presque tous les Corses, et qui leur donne si souvent un air de famille avec l'empereur Napoléon. « Bonjour et bonne fête, dit Giuseppe, » dit l'arrivant, après s'être arrêté un instant sur le seuil à contempler Angeluccia. Giuseppe Robalini tressaillit comme une personne réveillée au milieu d'un songe, puis reprit sa pose pensive. « Assieds-toi, Antonio, » dit-il d'une voix triste. « Que viens-tu faire dans cette maison, où l'on compte plus de morts que de vivants ?»« Je viens vous souhaiter les bonnes fêtes de l'Annonciation, » dit Giuseppe, répondit le jeune garçon. Puis, Antonio n'acheva pas sa phrase, mais à l'air embarrassé avec lequel il roulait entre ses doigts le bord de son bonnet, on devinait que, justement, dans la fin de cette phrase, se trouvait le but de sa visite. « Là où il y a tant de places vides, il n'y a plus de bonnes fêtes, Antonio. » Et le regard sinistre du vieillard parcourait lentement la table chargée des 6 couverts. Aussi, pourquoi, malgré les prières de votre fille, toujours remettre sous vos yeux l'épreuve de votre malheur? Ce qu'on dit est-il vrai, Antonio? S'écria Robalini en se relevant. Et serais-tu génois par ta mère? Corpo di Bacco, je le crois, car sans cela tu ne me demanderais pas pourquoi je garde 6 couverts à ma table. Ne sais-tu pas qu'au fond de chacune de ces assiettes, je vois une goutte de sang, et qu'il faut que celui de mon ennemi en efface l'empreinte, car c'est le sang de mes fils? Puissais-je être maudit si un seul jour j'oubliais ma vengeance? Mais je suis vieux et malade, continua le vieillard avec un profond découragement. Hier, la force m'a manqué pour soulever mon fusil. Vous savez ce que je vous ai dit Giuseppe, répliqua Antonio en se rapprochant de Robalini. Ce dernier fit un geste d'impatience et se retourna vers le fond de la salle pour voir si Angeluccia s'y trouvait encore. La jeune fille était calme, paraissant n'avoir rien entendu de ce qui se disait autour d'elle. Cependant, un observateur habile aurait pu voir que ses mains tremblaient en arrangeant la corbeille de fruits destinée au repas de son père. « Filia, monte dans ta chambre et prépare-toi pour les vêpres, » dit Giuseppe Robalini en s'adressant à Angeluccia. « Et qui servira à votre dîner, mon père ?» demanda Angeluccia. « La servante te remplacera aujourd'hui. » J'ai à causer d'affaires avec le voisin Antonio, et les femmes sont de trop ici. » Angeluccia fit 3 ou 4 tours dans la salle, comme si elle l'eût quitté à regret, puis, ayant jeté un long regard sur Antonio, elle partit. La porte resta entr'ouverte. Antonio, dit Robalini quand il se fut assuré du départ de sa fille, combien de fois faudra-t-il te dire que j'ai juré par le nom de mon père que jamais aucun homme autre que moi n'habiterait sous ce toit avant que le meurtrier du dernier descendant des Robalini ne soit couché la face dans la poussière. Ce qui n'est pas fait avant peut se faire après, répondit Antonio. Qui connaît les chances de la vie? Répondit Giuseppe. La guerre contre un pareil ennemi est dangereuse, et j'aime mieux qu'Angeluccia pleure sur son fiancé que sur son mari. D'ailleurs, ajouta le vieillard avec un soupir profond, je suis résolu à l'envoyer sur le continent. « Votre fille, votre unique enfant, loin de vous !» s'écria Antonio. « Mais vous n'y songez pas, » dit Giuseppe. « J'y ai tant songé que j'ai souvent eu peur d'en devenir fou, » dit le pauvre père en passant la main sur son front. « Mais c'est une nécessité. Une nécessité de vous priver de votre fille. Que deviendrez-vous, Jésus Maria, seul dans votre vieille maison? Combien vous trouverez les nuits longues et les journées silencieuses ?» « Ah, dit Giuseppe, ne faites pas cela, ne le faites pas pour l'amour de vous-même. »« Et peut-être aussi bien pour l'amour d'un autre, n'est-ce pas, Antonio ?» dit Robalini avec un faible sourire. « car malgré les pensées sinistres qui accablaient son esprit, le vieillard ne pouvait rester insensible à l'attachement fidèle, discret et dévoué que le pauvre Antonio montrait depuis 2 ans pour Angelo Chia. « Vous croyez donc que votre fille consentira à vous quitter ?» demanda le jeune Corse en rougissant, car les paroles de Robalini avaient fait vivement battre son cœur. « Il le faudra bien, » répondit le pauvre Giuseppe. « Ne vaut-il pas mieux avoir son enfant en vie à 100 lieues de soi que coucher ici, près, lui, 6e, dans les caveaux de Santa Anna ?» Antonio devint pâle, ses sourcils se contractèrent, ses yeux semblaient lancer des éclairs. Pietro Santo en veut-il aussi à la vie d'Angelo Chia ? S'écria-t-il en serrant le manche du poignard placé sur sa poitrine. « Moi seul connais toutes mes misères, » murmura Giuseppe Robalini. « Mais pourquoi parler de cela ? Il y a bien d'autres empêchements à ton mariage, Antonio. Angelo Chia n'a pas de dot, et ton père est un avare. Ma fille ne doit pas être exposée à s'entendre faire un reproche, entends-tu ? Qui oserait faire un reproche à la femme d'Antonio ? » répliqua le jeune homme en relevant fièrement la tête. « D'ailleurs, mon père lui-même trouve que votre fille est un parti bien assez riche pour nous. »« Ah oui, » dit Robalini avec une triste ironie. « Ton père a fait le compte de l'héritage que nous a laissé la mort. »« Mais un autre avait fait ce compte avant lui, » ajouta-t-il d'une voix sourde et terrible. Le vieillard retomba dans sa morne rêverie. Antonio n'osait lui demander l'explication des derniers mots qu'il venait de prononcer. Cependant, le silence continuant, le jeune Corse se décida à le rompre. « Je n'emporterai donc pas une bonne réponse de vous, zit Giuseppe ? » demanda-t-il en hésitant. « Le vieux Robalini n'a qu'une parole, mon garçon. Tu connais mes idées, je n'en changerai pas. Promettez-moi seulement que votre fille ne partira pas. Ma fille partira. » Dans ce moment, la servante apporta le dîner sur la table. Giuseppe Robalini s'en approcha lentement, souleva son bonnet avec respect, commença une sorte de psalmodie sur un rythme régulier, dans laquelle le mot « fili » revenait à chaque mesure, puis commença son solitaire et funèbre repas. Antonio, n'osant ni rester, ni troublé par des adieux à cette scène étrange de douleur paternelle, se retira triste et silencieux. Non loin de la porte, resté comme nous l'avons dit entr'ouverte, le jeune homme trouva Angelo Chia. Du doigt, elle lui désigna un petit jardin attenant la maison, où bientôt elle fut le rejoindre. « Antonio, lui dit-elle, je fais ici ce que peut-être aucune femme de ma famille n'a fait avant moi, et je serais fâchée que cette action vous donnât mal à penser. Vous êtes placé trop haut dans mon estime pour jamais en descendre, Angelo Chia, » répondit Antonio, qui avait peine à maîtriser sa joie, car pour la première fois, il se trouvait seul avec celle qu'il aimait. « J'ai entendu tout ce que mon père vous a dit, » reprit la jeune fille. « Alors vous savez qu'il m'a ôté tout espoir. »« Mon pauvre père !»« Dites qu'il est cruel, Angelo Chia, non seulement pour moi, mais pour lui. Il veut vous envoyer loin du pays. À son âge, vous reverra-t-il jamais ?»« N'accusez pas mon père, Antonio. Si je me suis décidé à vous parler ici en secret, c'est que j'ai cru de mon devoir de le défendre à vos yeux. Hélas, vous ne connaissez pas tous les malheurs qui pèsent sur nous. » Vous ne savez pas que, non content d'avoir assassiné mes 5 frères, Pietro Santo me poursuit, moi, de ses menaces, et que ce n'est qu'au moyen de fortes rançons que j'ai conservé la vie jusqu'à ce jour. Déjà 3 fois mon père a porté la somme demandée à l'endroit désigné par le bandit. Aujourd'hui, il ne lui reste plus que ma faible dot, et voilà bien le temps qui approche où Santo va réclamer son argent. Et que fera votre père, Angelo Chia ? Demanda Antonio, dont les traits s'étaient animés de plus en plus au récit de la jeune fille. « Il portera ma dot, puisque nous n'avons plus de parents, » répondit Angelo Chia en appuyant sur ses derniers mots et regardant son amant d'une façon étrange. « Que vous restera-t-il alors ? Rien, si je laissais aller ainsi les choses. Mais je ne veux pas que mon pauvre père doive son pain à d'autres pour le peu de temps qu'il a à rester sur cette terre. Que ferez-vous, Angelo Chia ? Demanda Antonio en frémissant, car il croyait deviner le projet de la jeune fille. « J'irai m'offrir au cou de Santo, » répondit Angelo Chia avec résolution. « Vous ? Mais il vous tuera !» s'écria Antonio. « Mieux vaut 100 fois partir pour le continent. » « Et mon père mourra sans vengeance, et le sang de mes frères ne sera pas lavé, » dit la jeune Corse avec une énergie sauvage. « Non, non, il faut que moi aussi je périsse. Alors, quand on dira dans Sartène qu'Angel Lucia, qu'on voulait bien appeler la sage, que la fille unique du vieux Zi Giuseppe, la sœur des cinq Robalini assassinés, a été frappée, il se trouvera bien un homme de cœur pour fendre une balle ou aiguiser son poignard en l'honneur du meurtrier. Antonio contemplait la jeune fille. Elle était belle, d'une beauté terrible et expressive. « Et si cet homme vous disait à l'heure même qu'il est prêt à vous défendre, Angel Lucia ?» répliqua Antonio, entraîné par cet élan sublime d'amour filial. « Lui diriez-vous enfin que vous l'aimez ?»« Santo mort, je deviendrai sa femme, » répondit la jeune fille en rougissant. « Et s'il périssait en vous défendant ?» reprit Antonio, dont la figure devint triste et sombre. « Que feriez-vous, Angel Lucia ?»« Il me restera toujours assez d'argent pour aller mourir dans un couvent, » répondit-elle avec fermeté. « Je crois en vos paroles comme en vous-même, Angel Lucia. Adieu, voici les cloches de Santa Anna qui sonnent les vêpres. Allez à l'église et priez pour moi. » « Que Dieu vous garde, et ainsi fasse l'âme de mes frères, » répondit la jeune fille en se signant. Ils se séparèrent.